al coyote. Leur présentation ici à Arlebosc pour la quatrième fête de la Reboule. Merci les Bleus, merci la batterie Fanfare. Ça peut être dur, chef. Non. Ça peut être dur, le décédé. Non. Très bien. Voilà, très bien. Donc, en attendant que tous les grands acteurs reprennent leur place, je vous demanderai un moment de repos. Et après, je vous demanderai de rejoindre le podium et de faire une présentation ici à Arlebosc. Je vous remercie. Si vous voulez laisser vos instruments ici, il n'y a pas de souci. Merci. Comme je vous disais tout à l'heure, des embrayages direct câble. Donc quand on voit un petit peu la mécanique comme autrefois était faite, il est quand même assez... Il demande à la technique. Voilà, il est calé même au milieu, il ne peut même pas repartir. Voilà, je laisse... Ça y est, c'est parti en marche arrière. Qui a parcouru